Chapitre 3e. Ils étaient arrivés devant une magnifique tapisserie flamande à sujet mythologique qui dissimulait une porte. Passemar l'entr'ouvrit avec précaution, coula un regard par l'entrebâillement, et se retourna aussitôt, mit un doigt sur ses lèvres pour recommander le silence. Puis il entra, marchant avec précaution sur un épais tapis d'Orient qui étouffait le bruit des pas. Le comte, fort étonné de tout ce mystère, Jacques Henriot, un peu pâle, et Madame Passemard entrèrent après lui. C'était une de ces grandes pièces qu'il est de mode aujourd'hui de faire construire et de meubler sur le modèle des ateliers de peintres. Pas de fenêtres, mais un immense châssis vitré occupant tout un des côtés et laissant entrer à flot la lumière. Peu de meubles. Ici, un bahut de la Renaissance à colonnettes, panneaux sculptés, incrustations de marbre. Là, une crédence du même style, chargée de belles faïences italiennes, un grand coffre enrichi d'ornements de cuivre, des chaises à dossiers droits recouvertes de cuir gaufré, un piano qui disparaissait admi sous une de ces draperies japonaises d'un ton éclatant, où des fils d'or brillent çà et là dans la broderie. Le long de la cloison qui fait face au châssis, un divan large et bas, négligemment couvert d'un grand tapis de Perse. Des deux côtés de la glace, encadrés de bois noir au-dessus de la cheminée, deux palmes d'un jaune d'or, longues et flexibles, montent et se rejoignent près du plafond en dessinant la courbe gracieuse d'une ogive végétale. Sur la table de marbre, au lieu de pendule, une belle réduction en bronze du Persée de Benvenuto, flanquée de deux coupes ciselées de vieil argent. Dans de grands vases en faïence, des plantes des tropiques dressent leurs feuilles lancéolées, dont la verdure luisante est rigide à l'éclat froid du bronze poli. Sur les murs, des plats de cuivre repoussés, des assiettes de Delft et de Rouen, quelques dessins au crayon noir ou à la sanguine. À la place qu'occupe d'ordinaire le lustre ou la lanterne, un oiseau de mer d'une immense envergure, suspendu par un fil d'arcale invisible, plane les ailes toutes grandes. « Hein, qu'en dites-vous ? » dit Passemard à voix basse. « Est-elle gentille ?» Debout devant un chevalet, palette et baguette en main, Mademoiselle André peint, le dos tourné à la porte. Une toque de velours noir à la Rembrandt, jetée un peu en arrière et légèrement inclinée vers l'oreille gauche, laisse vagabonder sur la nuque les touffes indisciplinées d'une chevelure dont le blond, roux et doré à la fois, a ce chatoiement fauve qu'aimaient Véronèse et Palma Vecchio. Un col en point de Venise couvre ses épaules un peu grêles. Sa poitrine étroite est enfermée dans une blouse de velours noir à côtes qui tombe droit, sans ceinture. Un pantalon de même étoffe, boutonné au-dessus de la cheville, laisse à découvert les bas rouges qui moulent l'élégance nerveuse des pieds longs et cambrés, chaussés de souliers à boucles d'acier. Dans cet accoutrement masculin, l'aspect de la jeune fille était si bien celui d'un jeune garçon que le comte eut quelque peine à la reconnaître et ne put réprimer un léger mouvement de surprise. Elle recula d'un pas sans se retourner et pencha la tête de côté, comme font les peintres quand ils veulent se rendre compte de la valeur des tons sur une toile commencée. Au mouvement de sa maîtresse, un grand chien danois qui sommeillait à ses pieds dans une pose de sphinx, le museau allongé entre les pattes, se réveilla, leva paresseusement la tête, ouvrit en un large bâillement sa gueule rose aux dents aiguës et tout à coup, dressant ses courtes oreilles de loup, tourna vers la porte, ses yeux pailletés d'or, pleins de lueurs phosphorescentes, et resta immobile, regardant obstinément devant lui avec la fixité magnétique des fauves. « Bonjour, Bichette !» cria M. Passemard d'une grosse voix joyeuse. « Je t'amène une visite !» Elle tressaillit et se retourna d'un mouvement brusque et sauvage de Diane surprise. Son pur profil de statue grecque s'altéra légèrement, et quelque chose de dur passa dans ses yeux, mais ce ne fut qu'un éclair. Elle glissa un regard oblique vers la glace et, posant sur un escabeau sa palette et ses brosses, s'avança sans embarras au-devant des visiteurs. Avec cette aisance dédaigneuse et superbe, que donne aux femmes la conscience d'une grande beauté. « Monsieur de Garamante, » dit-elle d'une voix dont l'intonation grave surprit un peu le comte, « vaudra bien m'excuser de le recevoir en tenue d'atelier. Je croyais vous avoir prié, Jacques, de dire... »« Ne le gronde pas, » interrompit Madame Passemard, « c'est ton père qui a voulu monter. »« Tu penses bien, » ajouta-t-elle à voix basse, lui parlant presque à l'oreille. « Que ni Jacques ni moi n'aimons assez ton costume de carnaval pour... »« Mademoiselle, » dit le comte en s'inclinant, « c'est à moi de m'excuser. »« Monsieur votre père ne m'avait pas dit que je dusse, en entrant ici, troubler votre studieuse solitude. »« Tu ne m'en veux pas, dis. Je faisais visiter la maison à monsieur de Garamante, et tu comprends, Pichette. Mon père, je vous ai déjà supplié de m'épargner ce nom ridicule, dit-elle à demi-voix d'un ton bref, avec un froncement impérieux des sourcils qui troubla soudain la sérénité de son beau visage. Ils firent le tour de l'atelier. Monsieur de Garamante, comme beaucoup de gens aujourd'hui, avait, en courant les ventes et les expositions, pris au vol un certain nombre de ces expressions consacrées dont marchands de curiosité ou amateurs aiment à émailler leurs conversations et qui sont pour eux comme une sorte de bibelot du langage. Il déclara que le bronze de la cheminée avait une très belle patine, que les bahuts étaient bien de l'époque, que les chaises lui paraissaient très pures de style. Les escabeaux à pied tourné étaient assurément du XVIe. Certains signes cependant pouvaient donner à penser qu'ils appartenaient à une période de transition. André et Jacques Henriot approuvèrent ou combattirent quelques-unes de ces assertions, et comme ils avaient l'un et l'autre un répertoire suffisant de termes empruntés au vocabulaire des commissaires-priseurs, l'entretien devint tout à fait inintelligible pour M. et Mme Passemard, ainsi qu'il arrive en pareil cas aux malheureux qui, ayant échappé à la contagieuse manie de l'ancien, ont négligé de s'initier au mystère du jargon qui se parle à l'hôtel des ventes et ailleurs. En vérité, mademoiselle, un goût exquis a ordonné l'ameublement de votre atelier. Votre instinct d'artiste vous a guidé aussi sûrement dans le choix de ces étoffes, de ces tapis, de ces meubles, de ces objets d'art que dans celui de votre ravissant costume de travail. André fut charmé du compliment et se garda bien d'avouer que tentures, meubles et bibelots lui avaient été fournis par un de ses spécialistes qu'on nomme architecte d'appartement. Ces artistes, matinés de brocanteurs, vous composent un mobilier de style avec l'aisance d'un garçon de restaurant qui dresse le menu d'un souper. Ils mettent de l'ancien dans le programme comme l'autre inscrit des huîtres sur sa carte, si vous lui en demandez. Leur profession est honorable et lucrative. Ils vendent du goût en gros et en détail. Entre amateurs, toute visite d'appartement ressemble à une expertise. Le comte ayant fait la sienne, trouver un mot aimable et technique pour tout, dessin, faïence, tableau commencé, songeait à se retirer. André le retint en lui offrant de prendre une tasse de café turc, qu'elle se mit à préparer elle-même sur une de ces petites tables très basses, peintes en rouge, cerclées d'une fine galerie dorée qui viennent de Constantinople. Elle avait mis le genou gauche à terre, le buste légèrement incliné, la hanche droite formant une saillie qui trahissait son sexe sous le déguisement du costume masculin, dans une pose qui donnait on ne sait quel charme troublant de grâce androgyne à son corps d'éphèbe souple et mince. La jeune fille, attentive à sa jolie besogne, promenait agilement ses doigts longs sur la fragilité des tasses et dosait la poudre parfumée de son café d'Orient. Monsieur de Garamante, assis sur le divan, se pencha vers Jacques Henriot et lui dit à demi-voix « Quel joli tableau, n'est-ce pas ?» Le jeune homme inclina la tête en signe d'assentiment sans répondre, et ne sortit point de sa réserve muette un peu hautaine, mais André avait surpris les paroles du comte. « Vous trouvez, » dit-elle, tandis qu'un sourire, relevant légèrement les commissures de ses lèvres, donnait à son visage cette expression énigmatique de coquetterie raffinée et cruelle qui fait le charme inquiétant des têtes de femmes peintes par le mystérieux Vinci. « Je suis bien sûr que Jacques n'est pas de votre avis, monsieur. Notre ami n'admet point en peinture les sujets d'une note trop moderne, comme celui que je pourrais, dites-vous, fournir en ce moment. Jacques est un classique. Vous savez, des Grecs, des Troyens, coiffés de grands casques et montés sur des chevaux qui sont des coursiers. N'est-ce pas, cher, que vous serez de l'Institut, et que vous irez vous asseoir en habit vert à côté de monsieur Cabanel ?» Elle prononça ces derniers mots d'un ton d'ironie dédaigneuse qui fit passer sur le visage du jeune homme un nuage de tristesse. Cependant, il répliqua aussitôt, en fixant sur elle ce beau regard dont M. de Garamante avait déjà remarqué la malassurance et la limpidité. « C'est possible, André. Assurément, j'ai le tort grave de ne pas plus apprécier les badigeonnages de M. de Morincourt que je ne goûte sa poésie. Toutefois, j'essaierai de vous prouver qu'en aimant passionnément son art et en le respectant... » Morincourt, l'impressionniste, le poète macabre, interrompit le comte. Vraiment, mademoiselle, vous estimez beaucoup sa peinture? Oh, n'en parlez pas, dit Madame Passemard, elle en raffole. Oui, appuya son mari, elle a même voulu prendre des leçons de lui, malgré tout ce que Jacques a pu dire pour l'en dissuader. Bah, dit-elle méchamment. « Ce n'est pas étonnant. Jacques est jaloux du vicomte. » Le jeune homme se leva brusquement et d'une voix qui tremblait un peu. « Vous vous trompez, André. Dans Morincourt, je dédaigne l'artiste et je méprise l'homme. Entre mon dédain et mon mépris, il n'y a pas de place pour autre chose. » Et il sortit, après avoir salué légèrement le comte, qui, pris d'une sympathie subite pour ce grand garçon triste et fier, le suivit jusqu'à la porte d'un regard bienveillant. Décidément, Jacques est dans ses jours d'humeur noire et de violence, dit André en offrant une tasse de café à M. de Garamante. Le fait est, s'écria M. Passemart, qu'il a été d'une vivacité contre ce pauvre Morincourt. Ah ça, d'où vient donc sa grande colère contre lui? Jalousie de métier, sans doute. Comment trouvez-vous ce café, mon cher voisin? Parfait, je n'en ai pas bu de meilleur en Orient. Vous avez visité l'Orient? Demanda curieusement André. Elle soupira légèrement et après un silence. Vous êtes bien heureux. Mais oui, répliqua le comte. Autrefois, il y a bien longtemps, mademoiselle, quand je n'étais pas un vieillard. J'ai eu l'humeur voyageuse comme ces grands oiseaux-là, dit-il en montrant l'oiseau de mer. Une mouette, n'est-ce pas? Non, mais de la même famille, un goéland. Sur les côtes de Bretagne, on les appelle des mauves. Les pêcheurs croient qu'ils annoncent la tempête. Quand ils entendent leurs cris courts et stridents, les femmes murmurent le refrain d'une vieille complainte bretonne. « Goéland, goéland, rendez-nous nos maris, rendez-nous nos amants. » « André, » fit chastement Madame Passemart. « Vous oubliez que j'ai 23 ans, ma chère. » « Ces oiseaux sont heureux, n'est-il pas vrai, monsieur ?» D'un coup de leurs grandes ailes, ils fauchent l'espace et montent par-delà les nuages. Comme eux, on devrait pouvoir s'élever au-dessus des platitudes et des vulgarités de la vie. En disant ces mots, ses yeux brillèrent. Les ailes fines de son nez droit se dilatèrent et elle prit l'air inspiré d'une jeune prophétesse. Comme tous les gens de beaucoup d'esprit, le comte aimait la simplicité. Un langage prétentieux et empoulé lui faisait horreur. « Mon Dieu, je suis d'avis qu'il faut laisser les enfants à leur mère et les goélands à l'espace. Que voulez-vous? Nous avons des jambes, non des ailes. Si l'infini nous appelle, la terre nous retient. Marchez droit ici-bas, mademoiselle, et ne point se crotter. Voilà qui n'est déjà pas si vulgaire. » Et il se leva pour prendre congé, tandis qu'André lui jetait le mauvais regard d'un acteur qui vient de manquer son effet. « Madame, dit M. de Garamante, je vous fais mes bien sincères compliments. Votre hôtel est charmant. Mademoiselle, veuillez excuser l'importunité de ma visite. » Elle fit de la tête un petit salut d'adieu et, sans répondre, l'air un peu dédaigneux, retourna à son chevalet. « Mon cher voisin, j'espère que nous aurons quelquefois le plaisir de vous voir, » dit Passemart en reconduisant le comte. « Quand vous voudrez venir prendre une tasse de thé le soir avec nous, tout à fait sans façon. Au revoir. À bientôt, n'est-ce pas ?» Le comte sortit et se mit à arpenter le boulevard Malesherbes dans la direction de la Madeleine. Il marchait du pas automatique de l'homme dont la pensée travaille. « Drôle de petite femme, » se disait-il. « Éducation détestable, prétentieuse, mal élevée, coquette en diable, méchante comme une peste, mais intéressante malgré tout. De la race. Une jolie ligne onduleuse, serpentine. Comment diable ce lourde de Passemart a-t-il pu ?» Ici, une idée folâtre se présenta à son esprit. « Oh non, ce n'est pas possible. »« N'importe. Ou je me trompe fort, ou cette jeune raffineuse qui voudrait avoir des ailes ira loin. 23 ans, incomprise, joue de la cithare, déclame, peint, s'habille en homme. Avec cela, jolie comme un démon. Quelque chose d'étrange et de troublant. Ce grand Henriot a l'air fort épris d'elle. Pauvre garçon. »